السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc inshallah ta'ala avant de commencer le cours, deux petites remarques inshallah ta'ala. D'abord, barakallahu fikoum pour avoir été dans les deux salons. Barakallahu fikoum pour avoir été dans les deux salons. Même c'est mieux que à chaque fois yani on dit il faut aller au salon, il faut aller au salon. Je voudrais faire, Inch'Allah Ta'ala, une petite remarque. Ensuite, je vais parler de l'intérêt d'être dans les deux salons. La première remarque, tout à l'heure, j'ai fait un tour dans le deuxième salon. Il n'y avait pas écrit que le cours, c'était en direct dans l'autre salon. Yani ici, en islam. C'est la première remarque. La deuxième, yani, il y avait une autre récitation. Alors que moi, dans un salon en Europe, yani, je préfère, Wallahu ta'ala alam, qu'il y ait un arabe-français. C'est-à-dire qu'ils entendent le cours en arabe, ensuite en français. Car pour quelqu'un qui est kafir ou la femme, ça ne lui dit rien d'entendre seulement l'arabe, il ne comprend rien. Et quand c'est dans les deux sens, surtout quand c'est sur Maryam. Vous savez, les chrétiens, c'est Marie, Jésus, Kada. Ça, Inch'Allah ta'ala, peut donner un déclic, bi'ilmillah subhanahu wa ta'ala, quand ils connaissent la vérité. Un mohim. L'avantage d'être dans les deux salons, je l'ai dit la fois passée, donc je présume que celui qui demande aujourd'hui n'était pas présent la fois passée. Mais je ne vais pas m'attarder, je dis juste en deux mots, que Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des sahaba dans le Coran, il a dit, liyarida bihim al-kuffar. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala yani, aime que les kuffar, na'am, se mettent en colère et soient dans leurs états, quand ils voient les sahaba, masha'Allah, et comme ça fort, et la foi, etc. etc. Dans la section avec Europe, hein, il y a beaucoup de kuffars qui ne cessent de critiquer l'islam, et de critiquer le salon hein, qui parle de l'islam et apprendre aux gens l'islam. Non seulement les kuffars, mais même les muqtadiyas. Les muqtadiyas, Allah va les takfirer les autres, ne cessent de critiquer yani, ce salon, et pour eux, quand il atteint un grand nombre comme ça, hein, ils deviennent en colère, deviennent dans leurs états, et si nous, Inch'Allah ta'ala, on les rend comme ça, avec la niya, c'est fisabilla, pour propager la sunnah, propager la da'wa, le minhaj, des salaf, radiyallahu ta'ala anhum, Inch'Allah ta'ala, avec cette idée, avec cette intention, on a un ajr, bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Ensuite, il est connu chez tout le monde qu'un salon où yani, il y a un nombre assez élevé, c'est attirant. Donc ça attire yani, le curieux pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce salon, pourquoi il y a tout ce nombre, et il entend une chose, et Allahu alam, peut-être que tu es la cause, toi, d'avoir élevé ce nombre, tu es la cause qu'une personne yani, rentre dans l'islam, qu'une personne se convertisse, qu'une personne qui était dans le tekfir rentre dans le minhaj, et comme ça, si tu as une bonne intention, tu peux, Inch'Allah ta'ala, avec cette niya, avoir yani, des récompenses, bi'idhnillah subhanahu azza wa jalla. Je vous avais dit, naam. C'est pour ça que yani, je vous remercie d'avoir été directement, sans que je vous le dise à chaque fois, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Autre chose, je devais, comme vous savez, on avait commencé l'aqida safariniya. Et je vous avais dit que j'ai reçu certains emails, on m'avait dit que c'était difficile, etc. Et on m'a même proposé yani, de faire par exemple les six fondements, ou bien au sol d'alerte, ou bien. Non. Donc les six fondements, je l'ai choisi. Explication, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Peut-être beaucoup de vous vont dire, ce livre, on le connaît, on l'a lu, hein, jeudi. Même si vous l'avez vu, connu, peut-être que, inch'Allah ta'ala, il y a des choses nouvelles que vous n'avez pas encore entendues. Ou même si vous les avez entendues, inch'Allah ta'ala, c'est quoi? C'est un rappel. C'est un rappel pour mieux consolider les connaissances qu'on a. C'est le livre, les six fondements de Ibn Abd al-Wahhab. Ibn Abd al-Wahhab, l'un des grands savants saoudite qui est mort, ça fait assez longtemps. Et les savants sont unanimes pour dire que il est venu comme rénovateur. À un certain moment, dans la péninsule arabique, il n'y avait plus de dîn, il y avait même le shirk qui était propagé. Quand il est venu, lui, rahimahullah, il a tout rénové, il a propagé la vraie da'wa, le vrai sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et spécialement en combattant le shirk et en combattant les bid'a, ces deux choses, en combattant le shirk et en combattant les hérésies. Ensuite, je voudrais dire que sûrement que ce grand savant qui a écrit entre autres ce livre, je disais que même les savants lui donnent le statut de Cheikhul Islam. Ils le mettent au même grade, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah en son époque. Il l'appelle Cheikh Islam de notre époque, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand vous aimez ce savant et quand vous suivez ce qu'il dit, etc., les gens vont dire de vous, vous êtes des wahhabites. Qu'est-ce que ça veut dire wahhabite? X, c'est un wahhabi. Y, c'est une wahhabiya. Wahhabite, ça veut dire que tu es en train de suivre ce savant. C'est-à-dire que ce savant, Ibn Abdul Wahhab, pour toi, c'est un savant. Alors que pour eux, ou bien c'est un kafir, ou bien un innovateur, ou bien un criminel, ou bien un muhim. Tout ce qu'on a dit de lui, comme critique, ce n'est rien. Pourquoi? Parce qu'on a dit ça sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est 10 000 fois mieux que Ibn Abdul Wahhab. Et malgré cela, on a dit ça de lui. Et c'est une règle générale que toute personne qui est dans le bien, qui est dans la sunna, qui est dans le minhaj, qui est dans la vraie voie, elle doit recevoir des critiques. C'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, il a dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ » Et ainsi, et certes, ainsi nous avons fait à chaque nabi, à chaque prophète, un adversaire ou un ennemi des criminels. Donc, il n'y a pas un prophète qui n'a pas eu d'ennemi comme criminel, il n'y a pas un grand savant, car les savants sont les héritiers des prophètes, il n'y a pas un savant qui n'a pas eu de grands criminels comme des adversaires et des ennemis de lui. Et des ennemis de lui. Non. Et de nos jours maintenant, si on dit de nos jours, si on dit d'une personne que c'est un wahhabi, ça veut dire automatiquement qu'il a le qamis et qu'il a le pantalon un peu retroussé au-dessus des chevilles et qu'il a la barbe. Et si on dit d'une sœur que c'est une wahhabiya ou bien wahhabite, ça veut dire automatiquement qu'elle a le djilbab, le niqab et les gants. Non. Donc nous, si on dit de nous, on est des wahhabis, Allah Ta'ala est témoin que nous, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est le seul, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule personne qu'on suit. Non. Tous les autres, ce sont des savants qui nous guident vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on ne suit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si les gens veulent nous coller cette épithète et dire que vous êtes des wahhabis, non, je suis un wahhabi, car Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, c'est lui et ses noms, c'est lui le wahhab. C'est lui le wahhab, celui qui donne, non, il donne les enfants, il donne le rizq, il donne la subsistance, il donne. C'est lui le wahhab, et moi je suis wahhabi, car j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, le wahhab. Non. Donc j'ai choisi ce livre qui paraît très simple, bi'idhnillahi ta'ala, et on va, sans s'attarder, on va dire, il a dit, Ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a dit, min a'jab al-ujab, je vais traduire à peu près, une traduction rapprochée, bi'idhnillahi ta'ala, ensuite, s'il y a des problèmes là, c'est dans les questions que vous noterez ça, inshallah ta'ala. Il a dit, min ajib al-ujab. Il a dit, d'après, il a dit, yani, parmi les choses yani, qui étonnent, ou la, yani, ce qui étonne vraiment, il a dit vraiment, yani, s'il y a quelque chose d'étonnant, c'est quoi? Il a dit, de ce qui peut étonner, il a dit, c'est quoi? Il a dit, wa akbar al-ayat الدالة على قدرة الملك الغلاب, il a dit, donc, parmi ce qui peut vraiment étonner et parmi les plus grands signes qui sont la preuve de la puissance du Malik al-Ghallab, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, yani al-Ghallab, le puissant, na'am, il a dit, sittat usul, c'est le fait que il y ait six fondements, bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil'awam. Six fondements que Allah subhanahu wa ta'ala a montré d'une façon explicite et très claire. D'une façon explicite et très claire, l'il'awam, yani, il a montré au commun des gens, aux gens de la masse. C'est pas aux savants, aux gens de la masse. Là, six choses, six fondements très clairs. Il a dit, fawqa ma yadhunnu adh-dhannun. On a dit au-dessus, là, au-dessus de tout doute. C'est-à-dire, il a montré ça d'une indubita, qui n'a aucun doute. Aucun doute. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل قليل. Il a dit, ensuite, après cela, subhanallah al-azim, malgré cette clarification d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un point où tout est clair, tout est précis, tout est, ne contient aucun doute. Il a dit, malgré cela, yani, voilà que beaucoup de gens doués et d'intelligence se sont quoi? Se sont trompés en cela, hein, et n'ont pas bien compris ces six fondements. Il a dit, à l'exception d'un petit nombre, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi leur cœur et qui ont compris. Maintenant, il a dit le premier fondement. C'est quoi le premier fondement? Il a dit, je lis en arabe, ensuite, inshallah ta'ala, je traduis en français. Est-ce que jusqu'à présent, ça va le sang? Alhamdulillah. Il a dit, attendez, où est-ce que ça commence? Il a dit, non. Le premier fondement, il a dit, إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. Le premier fondement consiste à vouer la sincérité du culte à Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Je répète, le premier fondement qu'on doit avoir et comprendre, c'est quoi? C'est que c'est obligé, il nous a été ordonné d'une façon obligatoire de vouer la sincérité, l'ikhlas, à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Wa bayanu ziddihi alladhi huwa ash-shirku billah. Et ensuite, nous a été ordonné quoi aussi? L'éclaircissement de son contraire, du contraire de la sincérité vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Le contraire, c'est quoi? Qui est l'associationnisme, shirk, l'associationnisme. Naam. Quand il dit ici, yani, qu'on doit vouer notre culte et toute la sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit en même temps, naam, ça doit être clair quoi? Yani, le contraire du shirk, le contraire de la sincérité, qui est quoi? Quelqu'un qui n'est pas sincère, qui est mouchrik. Naam. Car en islam, naam, en islam, c'est très bien de quoi? De connaître, yani le shirk, et de connaître le kofr, et de connaître les bid'ah, etc. Pourquoi? Pour bien les connaître, pour yani, se préserver d'elles, et pour s'éloigner d'elles, de ces choses-là. Car si on ne les connaît pas, on va tomber dedans. Quelqu'un qui connaît le shirk, il ne le fait pas. Pourquoi? Il sait par exemple que quand tu jures, pas sur Allah, tu dis je jure sur, par exemple, la Kaaba, tu as fait du shirk. Mais celui qui ne sait pas ça, il va jurer sur la Kaaba. Pourquoi il ne sait pas que ça c'est du shirk? Donc celui qui sait que ça c'est du shirk, par exemple, il va pas le faire. Même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, donc moi j'ai pas préparé le verset, il a dit وَكَذَلِكَ attendez une seconde, avec نعم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. Il a dit, et ainsi, ou là, et certes, nous fassons l'ayat. Yani, les signes, yani, mes signes, yani, nous fassons l'homme, yani, je ne les laisse pas en général comme ça. Mais je les détaille, je les donne en détail, là, il a dit, pour que le chemin des criminels vous soit très clair. Donc, connaître le chemin des criminels, c'est quelque chose de demandé. C'est pas suivre le chemin des criminels et des muftadiens, mais le connaître. Pourquoi ? Le connaître pour l'éviter. Tout le monde, Inch'Allah ta'ala, connaît le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu ta'ala anhu, quand il disait, tous les sahabas demandaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le bien, qu'il leur montre le bien. Et moi, je lui demandais de me montrer le mal. Non, pourquoi ? Et comme a dit le shaykh, il a dit le poète, il a dit, نعم تعلم الشر لا لشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Il a dit apprends le mal, نعم, pas pour le faire mais pour يعني s'éloigner de lui. Il a dit car celui qui ne connaît pas le mal du bien va tomber dedans. Il a dit وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. Il a dit le fait qu'on doit vouer de culte et la sincérité du culte à Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, et le fait qu'on doit bien connaître na'am, et que ça soit bien clair chez nous, son contraire, c'est-à-dire le shirk, il a dit ça, yani, le Coran l'a traité ce principe dans divers aspects. Dans divers aspects et dans divers côtés. Il a dit, dans un langage très simple et accessible, même aux gens de la masse. Ensuite, il a dit, mon Justin, ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. Il a dit, ensuite, lorsque la majorité de la nation, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire, elle est revenue marche arrière et elle a quitté le dîn et les bid'as, etc., etc. Il a dit, lorsqu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, alors le shaitan, qu'est-ce qu'il a fait, le démon, le shaitan, il leur a présenté la sincérité du culte, qui est très demandée. Il leur a présenté, naam, comme quoi, comme si c'était un tort. C'est un tort qu'on fait aux saints, aux gens pieux. Naam. Et que même, naam, elle portait atteinte à leurs droits, a dit la sincérité. Et il leur a montré, wa adhara lahum ash-shirka billah fi surati mahabbati as-salihin wa atba'ihim. Il leur a montré au contraire quoi, que l'associationnisme dans le culte d'Allah Azza wa Jal, c'était yani le signe de l'amour des saints et de leurs partisans. C'est-à-dire, il leur a montré exactement le contraire. Si maintenant tu veux vouer la sincérité à Allah Ta'ala dans l'adoration, il va dire celui-là yani, il ne reconnaît pas les pieux, il ne reconnaît pas les walis, les saints, etc. Il ne les reconnaît pas, il ne leur donne pas de l'importance. C'est comme de nos jours. Hein. Si tu vas dans un petit village où on tourne autour de la tombe d'un grand savant, entre parenthèses, un grand savant qui est mort, c'est un saint. Si jamais tu ne tournes pas autour de la tombe, ils disent quoi? Ils disent celui-là, naam, il fait du tort, il leur porte atteinte, il ne leur donne pas leurs droits. Leur droit, c'est de tourner autour de la tombe, etc. Celui-là, yani, c'est un mutakabber celui-là. Naam. Il ne reconnaît pas le droit des pieux, le droit des saints. Et si tu fais le contraire, naam, yani, tu, tu vas tourner autour de la tombe, etc., tu fais du shirk, etc., ils vont te faire des éloges et dire, voilà une preuve que cette personne aime vraiment les pieux et aime les saints. Tout cela, bien sûr, c'est suivre le shaitan ou l'ayadu billah. Maintenant, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, va commencer à expliquer, bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit, lorsque le Cheikh a dit, ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah, lorsque le Cheikh Ibn Abdul Wahhab, rahmatullah, a dit qu'il fallait vouer le culte de la sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé, il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, rahmatullah, al-ikhlasu ma'nah, la sincérité, signifie an yaqsid al-mar'u bi'ibadatihi at-taqarrub ila Allah ta'ala. Il a dit, la sincérité signifie que la personne mette dans son intention que de par son adoration d'Allah Azza wa Jal, elle veut quoi? Elle veut taqarrub, elle peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle veut en même temps arriver à bon port, au paradis, à la maison des délices, c'est-à-dire au paradis. Il a dit, بِأَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى فِي قَصْدِهِ. Et cela, pour faire cette chose-là, il faut que la personne soit sincère dans son intention. مخلصا لله تعالى في محبته, soit sincère aussi dans son amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. مخلصا لله تعالى في تعظيمه, sincère dans le fait de reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه, la personne doit être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il y a d'apparent et dans ce qu'il y a de caché. Ce n'est pas seulement dans ce qu'il y a d'apparent, mais aussi dans ce qu'il y a de caché. Naam. C'est pour ça que les savants disent que le sincère, c'est celui qui y a égalité entre son apparence et quoi? Et ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, ce que seul Azza wa Jalla connaît. Il a dit, donc, la personne sincère, la yabtari bi'ibadatihi illa wajh Allah ta'ala. La personne sincère doit, et celle qui ne veut, avec ce qu'elle fait comme adoration, elle n'escompte que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-wusula ila dari karamatihi. Et elle veut aussi arriver au paradis, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, qul, dit, Inna salati wa nusuki, dit en vérité, ma salat, salati, wa nusuki, mes actes de dévotion, wa mahyaya, ma vie, et ma mort appartiennent à Allah. Qul inna salati wa nusuki, wa mahyaya wa mamati, lillahi rabbil alamin, la sharika lah, à lui nul associé, la sharika lah, wa bidhalika umirt, et voilà ce qu'il m'a été ordonné. Wa ana awwalul muslimin. Et je suis le premier à me soumettre. Subhanallah al-Azim. Et vous voyez, inna salati. Ta salat, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tes actes de dévotion, égorger un mouton, faire ceci, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mahyaya wa mahyay. Ma vie et ma mort doivent être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mort, c'est sûr que je vais mourir, je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Même si je le veux ou je ne le veux pas. Mais ma vie, vous avez bien remarqué ce qu'il a dit. Ma vie doit être et doit appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si ma vie doit appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que ce n'est pas moi qui me commande. Non, c'est lui qui me commande et qui me dit, voilà comment tu dois vivre. Ce n'est pas toi qui choisis le mode de vie. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr qu'il te donne une certaine liberté. Mais le mode de vie, comment vivre, ce n'est pas toi qui le choisis. Car tu vis pour ton Seigneur. Alors que les autres, celui qui ne croit pas, celui qui n'est pas musulman, il vit pour ses plaisirs. Il vit pour ses délices. Il vit pour son corps. Il vit pour cette vie. Naam. Alors que toi, tu vis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as reconnu, tu as dit, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Pourquoi? Car tu reconnais que c'est lui qui t'a créé. Donc, tu dois vivre pour lui. Surtout que tu vas le rencontrer. Surtout que tu vas le rencontrer. S'il n'y avait pas sa rencontre, quelqu'un pourrait dire, après tout, moi je fais ce que je veux, ensuite je meurs, je deviens poussière. Et ça s'arrête là. Mais il y a, je dis heureusement, je ne dis pas malheureusement, heureusement qu'il y a sa rencontre. Mais il y a sa rencontre et tu seras questionné sur toute chose. Et deuxième verset, et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, et ce sont les versets qui montrent l'ikhlas, la sincérité qu'on doit vivre pour Allah. Il a cité le verset « وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ » Sourate Zumar 54. Sourate Zumar 54. Le premier verset, c'était Sourate Al-An'am 162-163. Maintenant, c'est « وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ » Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Non. Avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Revenez, repentant votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Soumettez-vous. Faut soumettre. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 163, il a dit Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa Ar-Rahman ar-Rahim, Baqara 163. Et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a dit aussi, je crois qu'il a cité aussi un autre verset, il a dit, Na'am. Wa qawluhu ta'ala dans Sourate Al-Hajj, verset 34. Fa ilahukum ilahun wahid, fa lahu aslimu. Votre Dieu est certes unique. Soumettez-vous donc à lui et fais bonne annonce à ceux qui s'humilient. Naam. Donc, si tu reconnais que votre Dieu est un Dieu unique, c'est un seul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est seulement reconnaître. Alors, il faut se soumettre. Soumettez-vous donc à lui. Si vous avez reconnu qu'il y a un Dieu et qu'il est unique, donc il faut soumettre à lui. Sinon, à quoi ça sert de reconnaître comme ça avec Yanni son cœur ou avec sa bouche et ne pas se soumettre. Et maintenant, si tu te soumets, alors fais une bonne annonce à ceux qui s'humilient, à ceux qui se sont soumis. Alors fais-leur une bonne annonce, car c'est le grand paradis qui les attend. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, Sourate Al-Anbiya, verset 25. Avant cela, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, rahimahullah, وَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé جميع الرسل tous les messagers, il les a envoyés avec dans ce même sentier. Il a dit dans Sourate Al-Anbiya verset 25, il a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا قبلك من رسول et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Point de divinité ou alors point de vraie divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc vous voyez tous les messagers, tous, sans exception, ont été envoyés pour dire aux gens quoi? Que il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Point de vraie divinité. Les fausses divinités, les faux dieux, c'en est plein. Mais le vrai Dieu, il n'y en a qu'un seul. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut l'adorer. Naam. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit وكما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف من وجوه شتى بكلامه فهم وأبلد العمى إلى دي et comme Allah subhanahu wa ta'ala a bien montré ça dans son livre, comme a dit l'auteur, l'auteur qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a montré ça de par plusieurs aspects avec un langage très simple que comprennent même les gens de la masse. Le Cheikh dit, rahimallah, faqad waddahahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a montré aussi, aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la montrer aussi d'une façon claire. Naam. Faqad jaa alayhi salatu salam bi tahqiq at-tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, naam, pour spécialement pour propager le tawhid. Naam. Propager le tawhid et apprendre aux gens et l'ordonner aux gens wa ikhlasihi et pour faire de sorte que ce tawhid soit spécialement pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement exclusivement voué à lui subhanahu wa ta'ala wa takhlisihi min kulli sha'iba et le prophète alayhi salam est venu avec tout yani avec ce qui purifie ce tawhid de tout ce qui peut disons le contredire. Il est venu pour le purifier et éloigner de lui tout ce qui ne marche pas avec lui, tout ce qui ne concorde pas avec le tawhid wa saddi kulli tariq yumkin an yusila il a soulmé le tawhid wa id'afi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu aussi avec une chose, c'est quoi? D'un côté, il propage le tawhid et de l'autre, il bloque et ferme toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les issues hein, qui sont capables ou là, par le biais desquelles on est capable de quoi? De briser ce tawhid ou alors du moins de l'affaiblir. Hatta inna Rajulan qala lin nabi sallallahu alayhi wa sallam au point où une personne a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam elle lui a dit ma sha Allah wa shi'ta, elle lui a dit comme Allah le veut et comme tu le veux toi ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu aj'altani lillahi niddan, lui a dit tu m'as placé comme rival et égal à Allah, c'est-à-dire comme Allah le veut et moi je veux, donc je suis l'égal d'Allah, je suis son rival. Et ensuite il lui a dit bal ma sha Allah wahda, mais dis plutôt comme Allah seul le veut, Allah seul le veut et non pas lui et moi à pied d'égalité. Le cheikh rahimahullah a dit ankara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi harfin yaqtadi at-taswiyata baynahuma. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam naam, a blâmé cette personne. Naam, pourquoi? Pour le fait qu'il ait mis à pied d'égalité la volonté d'Allah sallallahu alayhi wa sallam on est avec yani, le harf, avec la lettre wa, c'est-à-dire et. Il lui a dit comme Allah le veut, et comme tu le veux, et. Il a dit, à cause de la lettre et, la lettre wa en arabe. Wa ja'ala dhalika min ittikhadi nid lillahi azza wa jal. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de ce qu'a dit cet homme, il a fait de quoi? Il a fait de ça, quoi? Yani, c'est comme si, s'il l'avait mis, yani, comme, yani, à pied d'égalité avec Allah subhanahu wa sallam. Wa min dhalika aydan. Et rentre aussi dans cela, c'est-à-dire il y a un autre exemple, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète alayhi salatu wassalam harrama al-halif bi ghayrillah, a interdit qu'on jure si on ne jure pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire a interdit à la personne de jurer yani, si jamais elle ne jure pas avec Allah ta'ala, c'est-à-dire que il ne faut jurer que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et jurer sur un autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit. Bel, mais mieux encore, wa ja'ala dhalika min shirk billah. Mieux encore, il a dit que ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le shirk. On devient associateur si quelqu'un jure, mais ne jure pas sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Il a dit quiconque jure, bireilillah, pas en jurant sur Allah, mais sur un autre, il a dit faqad kafar, il a mécru, ou bien ashrak, ou bien il a fait de l'associationnisme. Le hadith se trouve dans Silsila Sahih de Sheikh Al-Albani, numéro 2042. Et le hadith avant celui-là, où il a dit tu m'as pris, tu m'as placé comme rival à Allah, se trouve aussi dans Silsila Sahih, numéro 139. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit وَذَلِكَ لِأَنَّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَالِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعْظِيمٌ لِلْمَحْلُوفِ بِهِ بِمَا لَا يَسْتَحِقُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Il a dit pourquoi c'est de la mécréance ou bien du shirk? Pourquoi? Le fait de jurer si on ne jure pas avec Allah, avec sur Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi c'est de la mécréance ou bien du shirk? Il a dit parce que لِأَنَّ الْحَالِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ, parce que le fait de jurer sur un autre qu'Allah Ta'ala, ta'zimun lil mahlouf. Ça veut dire la chose ou la personne sur laquelle tu as juré, tu lui as donné quoi? Tu lui as donné un statut que seul Allah Subhanahu wa Ta'ala mérite. Tu lui as donné une grandeur que seul Allah Subhanahu wa Ta'ala mérite. Wa hinama adima alayhi wafdun. Et lorsqu'une fois, un groupe est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqad, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Ya Khayrana, ô notre meilleur, Wabna Khayrina, et le fils de notre meilleur, Wa Sayyidana, et notre maître, Wabna Sayyidina, ô toi le fils de notre maître. Qal, alors il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, Ya Yohannes, ô vous les gens, Qulu bi qawlikum. Yani, dites comme vous avez l'habitude de parler, pas comme celle-là. Il ne laissez pas le shaitan rire de vous et vous tromper. Ana Muhammadun, je suis Muhammad, Abdullah, le serviteur d'Allah. Wa Rasulu, et son messager. Ma uhib, je n'aime pas, antarfa'uni, que vous mettiez, yani, au-dessus, fawqa manzilati, que vous mettiez au-dessus de mon statut. Allati anzalani Allah azza wa jalla. Je n'aime pas que vous mettiez au-dessus de mon statut que Allah Ta'ala m'a donné. Je suis seulement Abdullah wa Rasulu, c'est tout. Je ne suis pas plus que cela. Ce hadith se trouve dans Silsila Sahiha numéro 1097. C'est pour cela que le Cheikh Ibn Uthaymin dit que l'auteur, c'est-à-dire Ibn Abdul Wahhab lui-même, a mis un chapitre spécial sur cette chose dans son livre Kitab Tawhid. Kitab Tawhid, c'est aussi le livre de Ibn Abdul Wahhab. C'est aussi le livre de Ibn Abdul Wahhab, le livre sur lequel les savants ont dit que jamais, yani de nos jours, yani jamais jusqu'à de nos jours, n'ait été écrit yani un livre yani pareil dans la Aqida, dans la Aqida spécialement, yani comment combattre le shirk et les bid'ah. Il a dit donc, Cheikh Ibn Abdul Wahhab rahimahullah a mis yani un titre spécial, un chapitre spécialement dans son livre Kitab Tawhid, où il est dit Bab Maja'a, chapitre relatif fi himayat al-Mustafa, relatif à la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam, himat Tawhid, yani comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam à protéger le tawhid ou sidda turuq shirk, et comment qu'il a bloqué toutes les portes de l'associationnisme. Wa kama bayyana Allah ta'ala al-ikhlas wa adharahu bayyana didda. Ensuite le shirk dit, et comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a bien montré c'était quoi la sincérité, la même chose il a aussi montré c'était quoi son contraire. Car quand on connaît une chose et on connaît son contraire, ça aide beaucoup. On connaît une chose qu'il faut faire, on connaît une chose que c'est son contraire qu'il ne faut pas faire. Ou bien on connaît une chose yani, qu'il ne faut pas faire, ensuite on connaît son contraire ce qu'il faut faire. Al-Muhim. Il a dit, et son contraire c'est quoi? C'est le shirk, l'associationnisme. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate An-Nisa, verset 116, il a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Il a dit aussi, Sourate An-Nisa, verset 36, il a dit, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah Ta'ala et ne lui donnez aucun associé. Adorez Allah Ta'ala et ne lui donnez aucun associé. Il a dit aussi, Sourate An-Nahl, verset 36, il a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Pour dire quoi? Pour dire aux gens, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Le tarout, c'est le shaitan. Le tarout, c'est en général, je dis pas seulement le shaitan, en général, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Si on adore le shaitan en dehors d'Allah, on dit, le shaitan, c'est un tarout. Si quelqu'un adore une femme en dehors d'Allah, on dit cette femme est devenue un tarout. Si quelqu'un adore un homme, on dit cet homme est un tarout. Et comme ça. Le cheikh dit Oul Ayat fi dhalika kathira. Il a dit, et les versets en ce sens sont nombreux. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man laqiya Allah la yushriku bi shay'in dakhala al-jannah. Quiconque rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il fasse, sans qu'il lui fasse de l'association, il rentrera au paradis. Wa man laqiyahu, et quiconque le rencontre, yushriku bi shay'in, qui lui fait yani de l'association, même yani shay'in, un peu d'association, dakhala an-nar, il rentrera en enfer. C'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Le cheikh rahimahullah dit enfin, ash-shirku naw'an. Ce qu'on doit savoir, c'est que l'association, c'est yani deux sortes. Il y a deux grandes sortes d'associations. La première sorte, shirkun akbar mukhrijun anil millah. Le shirk, l'association se divise en deux. La première sorte, le grand shirk, la grande association. La grande association, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sortir l'individu de l'islam. Elle le fait sortir carrément de l'islam, et s'il meurt ainsi, il meurt, yani quand il mourra, il rentrera éternellement en enfer et ne sentira jamais l'odeur du paradis. Jamais. C'est quoi ce genre d'association, cette grande association? C'est quoi? Non. Plutôt associationnisme, c'est pas association. C'est quoi? Yani cet associationnisme, ce shirk. Il a dit, كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة. Là dit le grand associationnisme, c'est quoi? Associationnisme, c'est quoi? C'est tout associationnisme que yani Allah subhanahu wa ta'ala a cité ou bien son prophète a cité et qui se contredit avec le tawhid dans tous les sens, dans tous les côtés et absolument. Il a dit mit, comme par exemple, an yasrifa shay'an min anwa' al-ibada li ghayrillah. C'est comme s'il va maintenant, tu vois, va détourner certaines de ses adorations, yani, qu'il faisait pour Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant il va les détourner pour yani un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Bi an yusalli li ghayrillah. Par exemple, il va dire maintenant je vais prier, n'am, pour cette personne, pas pour Allah. N'am. Ou bien il va égorger, pas pour Allah, mais il va égorger pour yani, cette personne pieuse, bien ce wali ou bien cette tombe. Naam. Ou yanzura li ghayrillah. Il fait un vœu, mais pas pour Allah. C'est-à-dire, au lieu de dire, yani, je fais un vœu que je vais, par exemple, jeûner une semaine, naam. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je vais faire un vœu, yani, pour yani, ce mort, par exemple, qui est mort, ce pieux-là, pour yani, que je jeûne pour lui une semaine. Pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, par exemple, naam, il fait des invocations par Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de demander à Allah, c'est pas lui qui le demande. Il ne fait pas les invocations à Allah ta'ala. Il a dit, mit an yid'uwa sahiba qabr. Quand par exemple, il va devant une tombe, hein, devant une tombe d'un mort, et il commence à faire des doigts. Hein, il dit, en parlant à celui qui est dans la tombe, il lui dit par exemple, aidez-nous, il n'y a pas de pluie. Ça fait longtemps que, yani, on a besoin de la pluie, il n'y a pas. Aidez-nous pour que la pluie tombe. Ou bien je suis malade, aidez-moi que je guérisse. Ou bien je suis malade, yani, ou bien par exemple, ma femme, yani, est stérile, n'a pas d'enfant. Aidez-moi pour qu'elle ait des enfants. Ou bien j'ai des problèmes, yani, ici dans ma ville. Aidez-moi pour que les gens ne me fassent pas mal. J'ai mon fils en prison. Aidez-moi pour qu'il sorte de la prison. Et comme ça. Ça s'appelle le grand shirk. Celui qui fait une chose pareille, s'il meurt comme ça, il ne rentrera jamais au paradis et rentrera en enfer éternellement. Et si quelqu'un va dire peut-être que Allah Ta'ala va lui pardonner, on va dire justement, il a dit dans le Coran qu'il ne pardonnait pas. On l'a lu le verset tout à l'heure. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on fasse de lui, yani qu'on lui fasse de l'associationnisme. Il a dit je pardonne pas. Ou bien aussi, ça rentre dans le grand shirk. Ou bien, an yid'uwa ra'iban li inqadihi min amrin la yaqdiru alayhi illa al-hadir. Subhanallah al-azim. Qu'il fasse appel, s'il fait appel à quelqu'un qui est absent pour venir l'aider dans une chose qui, yani, seul le présent peut t'aider, pas l'absent. Je donne un exemple là. Par exemple, quelqu'un est tombé. Quelqu'un est tombé. Là. Il est tombé par, supposons, dans un puits. La première des choses, yani, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Ça, ya Allah, faites-moi sortir, ya. Là. Mais maintenant, si, par exemple, après les doigts, s'il y a une personne qui passe par là-bas, là, j'entends des paroles, j'appelle la personne pour qu'elle vienne en assistance à moi. Ça rentre pas dans le shirk. Mais imaginez maintenant quelqu'un qui est tombé dans un puits ou bien qui est dans un problème. Il va appeler quelqu'un qui est absent. Par exemple, je vais dire, oh ma mère, viens m'aider. Oh mon père, viens m'aider. Alors que mon père et ma mère ne sont pas devant moi. Ils sont loin, ils ne m'entendent même pas quand je suis en train de crier, quand je suis en train d'hurler. Non. De là, vous aurez compris, et vous avez compris aussi, le grand shirk que font les rawafid et les chiites. Vous savez que les chiites, en notre temps, il n'y a pas plus mouchriquine qu'eux. Il n'y a pas plus associateur que le chiite et le rafidé. S'il glisse seulement un peu, il glisse un peu, jamais vous l'entendrez dans sa vie dire Allah. Mais il dit Al-Hassan, Al-Hussein. Comme ça, surtout le Hussein. Al-Hussein, Ya Ali. C'est-à-dire, il demande l'assistance à Ali ibn Abi Talib ou bien à son petit-fils, à son fils Hussein. Il dit Al-Hussein. Yani, il demande de l'aide à Al-Hussein, alors que le Hussein est quoi? Est absent, il est mort, ça fait. Yani, je ne sais pas combien de siècles. Donc tout ça, ça rentre dans le grand shirk. Et nous, beaucoup d'entre nous qui ont une mauvaise éducation, jusqu'à de nos jours, ça leur arrive. Mais alhamdoulillah, qu'ils ne font pas ça avec une intention, mais que ça, yani, ça disons, ça vient sur leur langue sans qu'ils le veuillent. Dès que yani, il risque de glisser ou là, beaucoup d'entre nous, là, de nos enfants là, disent Ya Baba, Ya Baba, enfin, c'est comme s'il faisait appel à son père. Il dit Ya Imma, et comme ça. Non. Heureusement que yani, il n'y a rien dans le cœur, que c'est juste une phrase yani, qu'on dit comme ça, et qu'il faudrait faire son possible pour purifier sa langue, comment on a purifié notre cœur, bidnillah et ta'ala. Voilà, c'est pas intentionnel. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, donc ça, c'est le grand shirk. C'est le grand associationnisme qui fait quoi? Qui fait rentrer la personne en enfer éternellement si elle est morte sans avoir fait la tauba et qui fait que jamais cette personne ne rentre en paradis. Maintenant, le deuxième shirk, c'est-à-dire la deuxième sorte, c'est ce qu'on appelle le petit shirk. Le petit shirk. Le shirk ou l'asrar. Le petit shirk. C'est quoi le petit shirk? C'est kullu amalin, toute action. Qawli, que ce soit verbal, une chose qu'on dit, ou fi'li, ou bien un acte qu'on fait, atlaqa alihi shari'u wasf al-shirk. Que Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète l'a décrit comme quoi c'est du shirk. Mais, l'akinahu, la yunafi tawhid munafat mutlaqa. Mais, il ne se contredit pas avec le tawhid de toutes parts et de tous les côtés et absolument. Donc, le grand shirk, il se contredit avec le tawhid de toutes parts. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Non. C'est un peu, yani, l'eau et l'alcool et le vin dans un même verre. Ça ne peut pas marcher. Ou bien on met l'eau, ou bien on met l'alcool. Ça, c'est le grand shirk. Mais le petit shirk, c'est non. Non. C'est des choses qu'on fait qui, yani, ne se contredisent pas avec le tawhid à 100%. Mais disons, elle affaiblit le tawhid, elle le blesse, elle lui donne comme ça une mauvaise apparence et comme ça. Mais elle ne le contredise pas à 100%. Ça s'appelle le petit shirk, le petit shirk. Hein? Comme par exemple, an yahlif al-insan bi ghayrillah ta'ala. C'est comme celui qui jure, mais il ne jure pas par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il ne jure pas sur Allah ta'ala. Quand il jure, il ne dit pas je jure sur Allah. Mais il dit je jure sur X, sur la tête de mon père, sur la Kaaba, je jure sur une étoile, ou sur mon fils. Je jure sur la vie de mes fils qui sont très chers. Et certains, surtout certaines vieilles et certains vieux, tu dis je jure sur la Kaaba. Je jure sur la Kaaba, la maison d'Allah. Et c'est pas mesquin que la Kaaba a été créée. La Kaaba, c'est quoi? C'est une maison qui a été créée et construite par certains disent par Adam et d'autres disent par tous les messagers. Mais on connaît que c'est Ismaïl et Ibrahim qui l'ont construite comme l'a cité le Coran. Donc elle a été construite. Comment jurer sur une chose qui a été construite et donc créée? Et il est permis, en parenthèse, de jurer sur le Coran. Ça, c'est une faïda. Il est permis de jurer sur le Coran, de dire je jure sur le Coran, je n'ai pas fait telle et telle chose. À condition que l'intention, ce n'est pas le livre avec les feuilles et l'encre, ce qu'il y a à l'intérieur. Non, mais c'est plutôt, je jure sur le Coran, c'est-à-dire sur la parole d'Allah qu'il y a dans le Coran. Je jure sur la parole d'Allah qu'il y a dans le Coran. Non. Donc, c'est pour ça qu'il y a un sahabi radiallahu ta'ala qui s'appelait Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Il disait une phrase très célèbre. Il a dit, si je jure sur Allah ta'ala en mentant, c'est-à-dire je jure sur un mensonge, mais je jure sur Allah ta'ala en mentant, il a dit c'est mieux que de jurer sur un autre qu'Allah en étant véridique. Subhanallah l'alim. Je donne un exemple. J'ai 100 euros dans ma poche. D'après Abdullah ibn Mas'ud, ce qu'il veut dire. Tu as 100 euros dans ta poche. Quelqu'un va te dire, tu as 100 euros dans ta poche? Est-ce que tu as 100 euros dans ta poche? Non. Tu vas jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant que je n'ai pas 100 euros dans ma poche. Il a dit, si tu fais ça, c'est grave, hein? Mais il a dit, c'est mieux que quoi? Que tu dises, je jure sur la tête de mes enfants ou de ma femme ou là, que yani, j'ai dans ma poche 100 euros. Hein, je suis véridique. Non. Pourquoi? C'est très simple. Quand tu as juré sur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tawhid. Tu as juré sur Allah, c'est le tawhid. Et en même temps, tu as menti. Tu as fait un grand péché. Le tawhid annule les grands péchés et les efface. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum. Le tawhid annule les grands péchés, alhamdoulilah. Mais maintenant, si tu jures sur un autre qu'Allah, je jure sur la tête de mes enfants, tu as fait le shirk. Et en même temps, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une bonne chose, tu n'as pas menti, tu as été véridique. Cette bonne chose va être annulée par le shirk. Car le shirk, avec le shirk, rien ne marche. Il annule tout. Donc à quoi ça sert d'être véridique si tu as fait le shirk? J'espère que vous avez compris, inshallah ta'ala. Ensuite, il a donné aussi un exemple qui rentre maintenant dans le petit shirk, le petit associationnisme. On a dit le fait de jurer sur un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième des choses, c'est quand par exemple, riya, l'ostentation. C'est grave l'ostentation. Le prophète alayhi sallam a dit, en ce qui concerne l'ostentation, akhwaf ma akhafu alaykum, la chose dont j'ai vraiment peur pour vous, la chose qui me fait vraiment peur pour vous, il a dit, Ash-shirkul asghar, c'est le petit shirk. La chose qui me fait vraiment peur, quand demain je vais mourir, je vais vous laisser, la chose qui me fait vraiment peur, c'est quoi? C'est le petit shirk. On lui a dit, c'est quoi le petit shirk, ya Rasulallah? Il lui a dit, c'est quoi? On ne sait pas. Il a dit, riya, l'ostentation. Hadith authentique, rapporté par Al-Albani dans Silsila Sahih, numéro 951. Numéro 951. Et le shirk dit, rahimallah, il dit, ce petit shirk, des fois, l'âme, il va grandir jusqu'à ce qu'il arrive et il devienne un grand shirk. C'est comme une étoile. Une montagne. Une montagne, c'est quoi? C'est 100 mètres de haut ou là, 1000 mètres ou là. Mais c'est quoi en fin de compte? C'est des petits. C'est de la poussière. Non, des grains. Des petits grains. Un grain qu'on peut peut-être même pas voir au microscope. Un petit grain sur un grain, un grain sur un grain de sable, un grain de sable, ça donne une montagne. La même chose ici. Un petit shirk, un petit, jusqu'à ça devient comme une montagne et ça devient un grand shirk. Et le shirk dit, rahimallah, c'est très grave ce qu'il dit ici, écoutez bien ce qu'il dit. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. Et certains des savants ont dit, à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ attendez, وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا أَنَّ que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ que lorsque Allah ta'ala a dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, il a dit que, yani, rentrer le grand shirk et rentrer aussi le petit shirk. Quand Allah ta'ala, nous avons cité le verset tout à l'heure, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Sourate An-Nisa 116. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Certains savants ont dit, « Ne pardonne pas qu'on lui donne des associés », c'est-à-dire « Ne pardonne pas l'associationnisme ». Ils ont dit « Ne pardonne pas le grand associationnisme et ne pardonne pas aussi le petit associationnisme. » C'est-à-dire, même si on fait le petit shirk, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Donc, c'est vraiment, yani, grave. Ensuite, un autre verset, il a dit « فَالْوَاجِبْ alors, yani, notre devoir, c'est quoi ?»« الْحَذَرْ مِنْ شِرْكِ » C'est de vraiment se préserver de l'associationnisme. فَإِنَّ عَقِبَةَ وَخِيمَ car la fin de l'associateur, celui qui fait l'associationnisme, yani sa fin sera vraiment, c'est la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, écoutez ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit dans Sourate Al-Ma'ida, verset 72, il a dit, إِنَّهُ c'est Isa alayhi salam qui a dit ça, c'est Isa alayhi salam. Allah ta'ala a cité ce qu'a dit Isa, ce qu'ils appellent eux Jésus. Il a dit, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ quiconque associe à Allah d'autres divinités, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah lui a interdit le paradis. وَمَأْوَاهُ النَّارِ et son refuge sera le feu. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ et pour les injustes, pas de secours. Donc c'est Isa alayhi salam qui a dit ça. Car les chrétiens, vous savez que ils disent que c'est le fils d'Allah, ensuite des fois ils disent c'est lui Allah, des fois c'est la Trinité, c'est Al-Muhim. C'est donc dans les trois cas de figure, c'est quoi? C'est vraiment de l'associationnisme. Alors, il leur a dit, Isa alayhi salam, Jésus leur a dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et il n'aura pas de secours. Il a dit le Cheikh Rahimullah, فَإِذَا حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْمُشْرِكِ Maintenant, si, il a dit, si le paradis sera interdit à l'associateur, لَزِمَ أَنْ يَكُونَ خَلِدًا فِي النَّارِ أَبَدًا alors, ça, on déduit de cela qu'il va rentrer éternellement en enfer. Idan, il a dit, فَالْمُشْرِكُ بِاللَّهِ تَعَالَى قَدْ خَسِرَ الْآخِرَةِ لَا رَيْبَ نعم, لِأَنَّهُ فِي النَّارِ خَلِدًا donc l'associateur a vraiment perdu quoi? A perdu son au-delà. Pourquoi? Il l'a perdu car il va rester éternellement en enfer. وَخَسِرَ الدُّنْيَا il a perdu aussi sa vie ici. Le bas monde, il l'a perdu. Pourquoi? لِأَنَّهُ قَامَتْ عَلِهِ الْحُجَّةِ parce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi sur lui la preuve. Il a établi la preuve sur lui. Il n'a plus d'excuses. وَجَاءَهُ النَّذِيرُ et les messagers sont venus pour l'informer et l'exhorter à suivre le sentier d'Allah et l'exhorter à s'éloigner du sentier de Satan et du démon. Mais ça ne lui a été d'aucune utilité. Et aussi, et même ce bas monde d'âme ne lui a pas été utile. À quoi ça sert de vivre ici 50, 60 et 70 ans pour mourir et se trouver éternellement en enfer? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surat Zumar, verset 15, il a dit, قل, dit, إن الخاسرين, dit, les perdants, الذين خسروا أنفسهم, sont ceux qui au jour de la résurrection, l'âme, خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, ألا ذلك هو الخسران المبين, dit, les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leurs propres âmes et celles de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Naam. C'est ça la grande perte. Naam, la grande perte. Khasira nafsa. Il a causé la perte à lui-même. لأنه لم يستفيد من هذه الدنيا شيئا. Parce que dans cette vie, yani cette vie ne lui a été d'aucune utilité. Naam. Donc, il a perdu son âme. Et il l'a fait rentrer en enfer éternellement. وَخَسِرَ أَهْلَهُ Il a perdu sa famille. لِأَنَّهُمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ Pourquoi il les a perdus? Car si jamais ses parents et sa famille sont devenus croyants, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont aller au paradis. Donc, il ne va plus les voir. Lui, il ira en enfer. Lui, il ira en enfer et il a perdu sa famille qui était des croyants. Et maintenant, si sa famille aussi n'était pas croyante, فَكَدَلِكَ C'est la même chose, ils seront tous en enfer. Non. Et vous savez qu'en enfer, à chaque fois qu'un groupe rentre, ceux qui sont en enfer, qu'est-ce qu'ils disent du nouveau groupe qui rentre? Ils les maudissent. كُلَّمَا دَخَلْتْ أُمَّةٌ لَعَنْ تُخْتَهَا À chaque fois qu'un groupe rentre dans le paradis, ou là, qu'une nation va rentrer, non, elle va être maudite par celle qui les attend à l'intérieur. Il a dit وَعْلَمْ أَنَّ الشِّرْكَ خَفِيٌ جِدًا Et sache que le shirk, et c'est vraiment des fois quelque chose yani, de caché. وَقَدْ خَافَهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ إِمَامُ الْحُنَفَاءِ Et, naam, le grand mouahid, naam, l'imam des mouahidin, qui est Ibrahim a.s. et a eu peur du shirk. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim a.s. Il a dit ce qu'a cité Allah Ta'ala de lui dans sourate Ibrahim, verset 35. Il a dit, c'est Ibrahim qui parle. Il a dit, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Imaginez et méditez bien ce qu'il a dit. Préserve-moi. En arabe, il a dit, wajnubni. Il n'a pas dit, abidni. Il n'a pas dit, éloigne-moi mes enfants. Non, il a dit, wajnubni. C'est-à-dire, c'est comme si moi, je voudrais être d'un côté et les idoles de l'autre. Non, on doit pas se rencontrer, jamais. Donc, Jnoubni, c'est beaucoup plus fort que éloigne-moi. Il a dit, yani, Jnoubni, moi et mes enfants, yani, qu'on suive les idoles. Non. Et il y avait quelqu'un des pieux, radiallahu ta'ala, qui s'appelle Ibn Abi Mulayka, non, qui a rencontré beaucoup de sahaba. Il a dit, Adraktu salatina min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai rencontré 30 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous, les 30 que j'ai rencontrés, ils avaient peur de l'hypocrisie. Ils avaient peur qu'ils soient des hypocrites. Le hadith se trouve dans le Bukhari. Maintenant, si tu parles toi à une personne là, elle te dit, moi, jamais j'ai senti que j'étais une hypocrite. Moi, je suis la personne la plus pieuse. Moi, il n'y a pas plus pieux que moi. Alors que les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, celui-là, Ibn Abi Mulayka, il a dit, j'ai rencontré 30 sahaba, tous avaient peur de l'hypocrisie. Chacun d'eux disait, j'ai peur que je sois hypocrite. Naam. Ensuite, il a cité que Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il a cité que lui-même, yani, il avait demandé à Hudhayfa ibn al-Yamam, qui connaissait les hypocrites par leur nom, il lui a dit, Anshuduka Allah, je te demande par yani, le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a cité parmi les hypocrites lorsqu'il les a cités. Subhanallah al-Azim. Omar ibn Khattab, Omar ibn Khattab, sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y avait un prophète après moi, ce sera Omar ibn Khattab. Ça, c'est un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Tirmidhi. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si jamais, il a dit, il n'y a pas de prophète après moi, mais si jamais il venait à venir quelqu'un, ce sera Omar ibn Khattab. Alors, ce Omar ibn Khattab, il avait peur que c'était un hypocrite. Il a même demandé à ce sahabi, Hudayfa ibn Yaman, il lui a dit, toi, tu as la liste des hypocrites, est-ce que tu peux voir, barakallahu fik, si je suis dans la liste ou je ne suis pas? Subhanallah al-Azim. Donc, on a terminé, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Vous avez remarqué avec moi, je résume en deux ou trois phrases, vous avez remarqué que Al-Asl Awwal, donc le premier fondement, il y en a six. Le premier, c'est quoi? C'est de faire tous les efforts pour être sincère dans son adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps de s'éloigner du shirk. De s'éloigner du shirk. Ensuite, je vous rappelle le hadith qui se trouve dans le Bukhari et autres que les trois premières personnes, sachez bien et apprenez bien que les trois premières personnes qui vont rentrer en enfer, les trois, justement, c'est aussi peut-être, je ne sais pas si ça s'appelle une devinette ou là, si jamais on vous, va vous dire. Quelles sont les trois premières personnes des musulmans qui vont rentrer en enfer? Les trois premières personnes qui vont rentrer en enfer, comme c'est dans le hadith authentique, comme j'ai dit, la première personne, c'est une personne à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la science. Et le jour où Yom Kiyama va lui dire, dis-moi, je t'ai pas donné de la science, je t'ai pas fait apprendre ce que j'ai appris au messager, il lui dit, si Allah. Il lui a dit, qu'as-tu fait avec ma science? Il a dit, Yani, je la propageais aux gens pour qu'ils apprennent le dîme, etc. Allah Ta'ala va lui dire menteur. Ensuite, les anges vont lui dire menteur, tu as menti. Ensuite, Allah Ta'ala va lui dire tu as appris pour qu'ils disent de toi, yani tu es un savant. Ils l'ont dit. Ça veut dire va prendre ta récompense chez eux. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne, Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a donné yani, beaucoup de science, beaucoup de, pas beaucoup de science, beaucoup d'argent. Et le jour du Yom Kiyama, il va lui dire Abdi. Pas donné yani, tout ce que dont tu avais besoin au point où yani, je t'ai fait suffire, tu n'avais plus besoin d'une autre personne. Et il lui a même dit, Zewishtuk, je t'ai pas yani, marié, je t'ai pas donné même yani, ce qu'on appelle des valets. Il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, qu'as-tu fait avec tous les biens que je t'ai donnés? Il a dit, je les ai donnés, fsabillah. Il lui a dit, kadhabt, menteur. Et les anges vont dire menteur aussi. Tu as donné ça, yani, par ostentation aux gens, pour qu'ils disent Jawed, pour qu'ils disent celui-là, c'est vraiment une personne généreuse, ils l'ont dit. Donc va chez eux, ils vont te donner ta récompense. Ensuite, troisième, yani, la personne qui a fait le jihad, fisabilillah, etc., Allah Ta'ala va lui dire, Kadhab menteur, les anges vont dire menteur, tu n'as pas fait le jihad, fisabilillah, tu as fait pour que les gens disent courageux. Et ce sont les trois premières personnes qui vont être jetés en enfer ou l'ayadu billah. Et vous avez remarqué avec moi, ces trois premières personnes qui vont être jetées en enfer, qu'est-ce qu'elles ont de commun? Qu'est-ce qu'elles ont de commun? Elles ont de commun l'ostentation, shirk. Pas de sincérité. Là, il a pris la science pour qu'on dise savant. Il a donné ses biens pour qu'on dise yani, généreux. C'est pas fisabilillah. Et troisième, il a fait djihad pour qu'on dise courageux. Donc, pas de sincérité. Regardez, yani la fin de celui qui n'est pas sincère. Nous allons subhanahu wa ta'ala an yu'afiyana. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu. Est-ce que les questions, inshallah ta'ala, sont prêtes? Ou là, je vous donne 5 minutes, inshallah ta'ala. Tafadhal, prends le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'en ai quelques-unes, chères. Donc j'en ai trois. Donc je vais les lire, Inch'Allah. Donc comme je l'ai indiqué sur la room, le lien a été activé. Et pour les personnes qui ne savent pas comment on pose les questions, donc il suffit juste de créer un compte sur le site, vous identifier avec, et sur la page d'accueil, vous avez un lien, posez vos questions. Non, mais tfaddal, cher. Ça me permet de rappeler le fonctionnement. Et pour toute personne qui n'aurait pas de compte, sachez qu'ils seront activés dans la soirée. Inch'Allah. Donc inscrivez-vous et j'activerai votre compte. Et Barakallah fait que je demande au frère Ahmed Mohamed de mettre le lien pour s'inscrire. Barakallahu fik. Dites-moi lorsque vous êtes prêt, cher. Inch'Allah. Pareil pour les personnes qui posent des questions. Donc indiquez dans le titre, Inch'Allah, si la question est en rapport avec le cours. Et également si vous êtes un frère ou une sœur. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Non, on va, inchallah ta'ala, azza wa jall, commencer les questions. Il est chez moi 22h15. On arrête à 23h15, bi'idhnillah ta'ala, 1h. En même temps, j'aurais aimé aussi s'il y a quelques remarques sur le premier cours, comme ça pour savoir yani, qu'est-ce qu'il faut yani, monter le niveau, ou bien le rabaisser, ou bien yani, on continue comme ça, c'est bien. Car maintenant, yani, ce que je fais, c'est par rapport à vous, bi'idhnillah ta'ala, non, par rapport à vous. Sinon, comme vous savez, on aurait continué Safarinia. Tfadal. Non, mon cher, c'était bien très clair. Et c'est plutôt donc aux personnes, Inch'Allah, qui étaient également présentes ce soir, de faire des remarques lorsque vous posez des questions sur le site. Faites des remarques, Inch'Allah, en indiquant si pour vous c'était assez clair et simple dans les explications du cher. Mettez une petite phrase, Inch'Allah, pour demander si. Faites une remarque, Inch'Allah, dans vos questions. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Attention, Inch'Allah ta'ala, pour fermer la porte à tout shaitan et toute ostentation, c'est pas la peine de d'écrire ceux qui disent que le cours est bien et Inch'Allah, c'est pas la peine. Vous écrivez seulement ce qui n'est pas bien. Par exemple, on voudrait ça, on voudrait ça. Naam, barakallahu fikoum. Non, mais savoir si la structure est bien, si c'est bien structuré et si c'est simple au niveau des adillah, etc. Non, donc je vous pose les premières questions, Inch'Allah. Salam alaikum. Comment doit se porter le djilbab? La jupe doit-elle cacher les pieds en touchant le sol obligatoirement ou doit-elle se porter au-dessus des chevilles? Une personne a demandé à un imam qui lui a dit qu'il ne faut pas que ça traîne, car de nos jours, on y trouve beaucoup de saletés sont par terre, alors qu'à l'époque, non. Dans les déserts, ça n'était pas aussi sale. Barakallahu fikoum pour votre patience. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans les salats, à 3 et 4 rak'at, est-il obligatoire ou recommandé de s'asseoir pour le deuxième tashahhud? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum shir. Est-ce permis et non détestable de prendre un pseudo sur Paltalk avec le nom d'une boutique musulmane? Exemple, le nom d'une boutique.fr ou alors le nom d'une boutique.com. La personne, qu'elle prenne ce pseudo ou un autre qui n'a rien à voir, ira toujours suivre un cours religieux. Donc son intention n'est pas d'aller sur le salon pour sa publicité, mais elle profite de sa présence sur le salon pour noter sa boutique en pseudo. Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya shir. Ma question concerne la aqida. Dans le domaine de l'asma wa sifat, on entend beaucoup dans les leçons sur les sectes égarées que, par exemple, certains ont été des khawarij, comme Zulkhou Khouaïsira. Que certains ont été Mu'tazila, comme Abul Hassan al-Ash'ari, à la première période de sa vie, que certains ont été soufis, comme Ibn Arabi, etc. Mais lorsqu'on parle des anthropomorphistes, on ne nous donne pas de nom, pas le nom des personnes qui l'ont été, tout en considérant musulmans. On nous dit juste que cette secte existe. Je voudrais savoir si réellement parmi les musulmans, il y a de vraies personnes qui croient vraiment que les attributs d'Allah ressemblent à ceux de ses créatures, ou bien si ceci est juste un exemple de la croyance qu'on ne doit surtout pas avoir. Car je sais qu'en dehors de l'islam, des gens ont cette croyance, comme les témoins de Jéhovah, par exemple, mais des gens qui se disent musulmans et en même temps se disent anthropomorphistes, je voudrais savoir s'il y en a vraiment, Inch'Allah. J'espère que ma question n'est pas trop floue, Barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Est-ce autorisé d'assister à un repas de famille, sachant que la cause de ce repas est un anniversaire, sans la fête, ou alors s'il y a une fête, elle se fera après notre départ? Jazakumullah khairan. Tfadda cher. Là où ça marche, barakallahu fik. Pour la deuxième question, la personne qui dit, est-ce que c'est permis pour le tashahhud, est-ce qu'on doit s'asseoir? Est-ce qu'elle veut dire par là qu'on doit faire le tashahhud debout? La des wahda. Et enfin, si tu peux répéter la question du pseudo, inshallah ta'ala, tfadla. À mon avis, cher, la première question enfin, la deuxième question qui parlait du tashahhud, je pense qu'elle est mal formulée. Je pense que la personne a voulu demander si on faisait la pause entre les deux raka'a. Wallahu a'lam, je pense, parce que le tashahhud debout, ça n'a pas de sens. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans les salats à 3 et 4 raka'a, est-il obligatoire ou recommandé de s'asseoir pour le deuxième tashahhud? Barakallahu fikoum. Voilà comment est formulée la question. Et pour la question sur les boutiques, en fait, la personne demande s'il est autorisé d'utiliser le nom de sa boutique, sachant que par exemple, je ne sais pas, une boutique X ou Y qui a un site internet avec le même nom de sa boutique, il demande s'il peut l'utiliser en pseudo, avec comme intention, il dit que ce n'est pas pour faire de la pub, mais les personnes qui vont être présentes vont voir son pseudo. Et certainement, par curiosité, ils vont aller sur ce site. Donc, ils demandent si c'est autorisé, sachant que lui, sa présence, ce sera d'assister au cours, tout simplement. Tfadda cher. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Donc, pour la première question de la jupe, yani, et l'imam qui a dit que maintenant ça a changé, il y a de la saleté, etc., on lui dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a envoyé avec ce jugement, savait qu'on allait aller vivre cette époque qui allait y avoir de la saleté, etc. Deuxièmement, à supposer, si on va supposer que maintenant il y a de la saleté là-bas et qu'une personne yani, va passer sur cette saleté sans le faire exprès, le hadith a montré, a dit clairement que yani, quand elle va continuer à marcher, ça va se purifier. Donc le hadith est clair que en marchant après, ça va se purifier, bidna ta'ala. Ensuite, je dis pour terminer, ce n'est pas une obligation que le djilbab, par exemple, yani, touche le sol. Si elle laissait, par exemple, quelques centimètres à peine pour que ça ne touche pas le sol, là, pour ne pas être obligé à chaque fois de le laver, c'est bien, à condition que on ne voit pas ses pieds, bi'idhnillahi ta'ala. Pour le teshehud, donc, même si je n'ai pas bien compris la question, je dis qu'il y a le tawarruk et il y a l'iftirash. Il y a le tawarruk et il y a le iftirash. Le iftirash, yani c'est s'asseoir sur son pied gauche. On s'assoit sur son pied gauche seulement dans le premier teshahhud ou bien dans la salat qui a seulement un teshahhud, comme dans salat sop par exemple. On s'assoit iftirash, c'est-à-dire on met son pied gauche, hein, et on s'assoit dessus. Mais si jamais maintenant il y a deux teshahhuds, hein, qu'est-ce qu'on fait? Dans le deuxième teshahhud, on fait tawarruk. On s'assoit yani, carrément en posant yani, sa fesse. On pose la fesse par terre et on s'assoit carrément. Et on ne s'assoit pas sur yani, son pied. J'espère que c'est ça la question. Allahu ta'ala alam. Pour le pseudo, naam, si maintenant quelqu'un rentre avec. Car en fait, certains ne font jamais d'enfer, donc je mange. Ah, naam. Si les personnes ne font pas ça, ne font pas ça dans leur salat, on va voir pourquoi. S'ils ne le font pas, par paresse par exemple, ou bien parce qu'ils sont, ils n'ont pas d'hin, ou bien par paresse comme j'ai dit, leur salat est manquante par rapport à celui qui le fait. C'est pas manquante, ça veut dire ils ont des péchés, non. Par exemple, celui qui fait par exemple le l'iftirash, par exemple le tawarruk, par exemple, s'il a son récompense pour sa salat. L'autre qui n'a pas fait, par exemple, il aura 80. C'est un exemple, 90. C'est un exemple pour que vous compreniez. Maintenant, il y a des personnes qui sont excusées, surtout les personnes qui sont grosses, ou alors les personnes qui sont enceintes. C'est difficile, يعني pour faire surtout l'iftirash, surtout dans le deuxième tashahhud. Mais si jamais une personne ne veut pas le faire par, disons, par dégoût, ou bien par haine, elle dit j'aime pas ça, c'est quoi ça, etc., elle peut rentrer dans le coffre, elle peut rentrer dans le coffre, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Et autre chose, pour le pseudo, na, pour le pseudo, tant que le pseudo n'est pas yani aïb, il n'est pas obscène, il n'est pas, et chacun est libre de choisir, inshallah ta'ala, son pseudo, à condition yani, qu'il ne soit pas un pseudo qui fasse qu'on ressemble à un kofar ou d'une personne très connue dans la perversité, comme un grand chanteur ou un grand. Na, et que aussi, yani, on ne doit pas mentir dans les pseudos. Quelqu'un qui est homme, il s'est appelé femme. Quelqu'un qui est femme, elle se fait appeler homme. Ensuite, il y a des fitnas qui vont arriver à cause de ce mensonge. Ensuite, je dis à la personne spécialement, à celle qui a dit que je rentre avec yani, pseudo, comme quoi boutique, pour qu'ils aillent voir le site et en même temps pour assister le cours. Mais celui qui m'a posé la question, il a dit que ma niya, c'est d'assister le cours. Et seulement ça. Je dis non. Ta niya, c'est d'assister le cours, mais aussi d'envoyer des gens vers le site. C'est aussi ça. Il faut le dire. Même si ce n'est pas primordial. La grande niya, c'est d'assister le cours. Mais il y a aussi cette intention d'envoyer les gens vers le site. Ce qui fait que ça diminue un peu de quoi? Des récompenses qu'à une personne qui vient spécialement pour écouter le cours, même si, comme j'ai dit maintenant, ce qu'a fait cette personne, ce n'est pas interdit, inshallah ta'ala. Pour la quatrième question, avant cela, cher, en fait, la personne n'a pas compris si le tawarruk est sunna obligatoire. Je n'ai pas dit obligatoire, je dis seulement sunna. C'est sunna. Celui qui fait, il a des récompenses. Celui qui ne fait pas, il n'a pas eu ses récompenses. Les récompenses sont passées sous son nez, il ne les a pas eues alors qu'il aurait pu les avoir. Non. Quatrièmement, pour Mouchabbiha, les anthropomorphistes, Naam, c'est la personne qui a dit qu'elle ne connaissait pas des noms d'anthropomorphistes, etc. Je dis, il y en a, Naam. Et dans les livres de Aqida, il y a des noms qui sont connus de certains d'autrefois d'antan, Naam, de certains Moubtadia, qui étaient des anthropomorphistes, et qui disaient que Allah subhanahu wa ta'ala, Yanné avait une main comme notre main, ou bien descendait comme on descend, ou bien avait des yeux comme nos yeux, et comme ça. Et de nos jours, par exemple, vous savez que un sunna ou jama'a, les vrais suiveurs, ceux qui suivent vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa aqida, et suivent les sahaba dans sa aqida, ceux-là, on leur colle quoi? On leur colle l'épithète de anthropomorphiste. Anthropomorphiste. C'est pour ça que maintenant, si vous allez demander à un Mouqtadir, lui dites que pensez-vous de Taymiyyah, de Ibn Kathir, de Ibn al-Qayyim, de Cheikh Ibn al-Taymin, de Cheikh al-Albani, de Cheikh Ibn Baz, tout cela, il va vous dire que ce sont des anthropomorphistes. Donc si jamais l'un de vous, vous entendez quelqu'un dire de l'un de vous, vous êtes un anthropomorphiste, alors dites Alhamdulillah, pourquoi? Car ça se voit que Alhamdulillah, je suis dans le vrai chemin, car Allah Ta'ala est témoin que je ne suis pas anthropomorphiste, mais que j'ai dit seulement ce qu'a dit Allah Ta'ala et ce qu'a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, regardez par exemple les Habash et les Ahbash, et les Akbash, les moutons aussi, ça s'appelle Akbash et les Habash. Ceux-là, ils disent de nous qu'on est dans des anthropomorphistes, parce qu'on dit que Allah Ta'ala a les attributs. Ils disent qu'on est des anthropomorphistes. Les savants disent, toute personne, Naam, qui dit je ne reconnais pas les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas rentrer dans l'anthropomorphisme, en fait cette personne c'est quoi? C'est une anthropomorphiste elle-même. Pourquoi? Parce que dans son cœur, elle a eu teshbih, elle a eu yani, elle a eu la ressemblance, elle a eu que Allah ta'ala, dans son cœur, elle a eu que il nous ressemblait. Il avait des yeux comme nous, une main comme nous, deux jambes comme nous, etc. Donc, pour yani, éloigner ça, yani, elle est allée donc combattre les anthropomorphistes et dire que Allah Ta'ala n'a pas d'attributs. Alors que nous, alhamdoulilah, Yani, Sunna ou Jama'a, nous sommes au milieu. Naam. On dit, Allah Ta'ala a les attributs qu'il s'est donnés, et en même temps on dit, c'est les attributs qu'il s'est donnés ne ressemblent pas à nos attributs. Comme il a dit dans le Coran. Naam. Rien ne le ressemble. Naam. Mais dans le verset, rappelez-moi le verset où il dit, wa huwa sami'ul 'alim. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Enfin, pour la dernière question, inshallah ta'ala, assister à un repas d'anniversaire et ne pas faire la fête. Le fait d'assister à un repas d'anniversaire, ça rentre dans le haram. Pourquoi? C'est un repas qui a été fait pour l'occasion d'une bid'a, pour l'occasion d'une innovation, pour l'occasion d'une adoration des kofars, plus spécialement des chrétiens. L'anniversaire, elle est venue de qui? Elle est venue des chrétiens. Non. Donc, assister à un repas, même si quoi? Même si la fête sera après, ça veut dire que on a le péché d'avoir quoi? D'avoir, yani, d'être, d'avoir accepté de participer à quelque chose qui est haram et même de la propager. Même en allant là-bas, ça veut dire que j'aide avec ma présence à propager ce haram. Donc la solution serait de, ou bien d'être clair et ferme et de dire Afwan, barakallahu fikum pour yani, comment on appelle ça, l'invitation, barakallahu fikum, jazakallahu khairan d'avoir pensé à nous, mais nous, yani, c'est haram. Naam, c'est haram, c'est interdit dans la religion, on ne peut pas venir. Inch'Allah ta'ala, dans une autre circonstance, on viendra. Ou bien, si on n'a pas cette iman ou cette foi ou la, on a honte de quelqu'un ou là, on décline l'invitation. On décline, on dit on ne peut pas venir, on a nos excuses. Vous n'avez pas menti, vous avez vos excuses religieuses. Bi'idnillahi ta'ala. Donc la question suivante, Inch'Allah. J'aimerais juste faire une petite remarque, Bi'idnillah, pour les personnes qui posent des questions. Essayez parfois d'être plus... de faire des questions plus courtes, Inch'Allah, d'aller vraiment à l'essentiel, puisque là je récupère des questions qui sont assez longues. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense. Masha'Allah, nous avons appris beaucoup encore. Walhamdulillah. Est-ce que le fait de dire je jure que j'ai fait telle chose sans jurer par Allah, mais jurer simplement, est-ce que c'est interdit? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis une convertie, alhamdulillah, et ma famille a beaucoup de mal à me voir porter le djilbab. Ils disent que la foi, c'est dans le cœur, et que je n'ai pas besoin de m'habiller de cette manière. Que dois-je leur répondre lorsqu'ils me disent que la foi est dans le cœur? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisse Allah vous préserver tous et vous réunir au Ferdaous avec ceux que vous aimez. Je suis en train de lire un livre de Ibn al-Qayyim al-Jawziya qui s'intitule L'âme, Ar-Ruh, traduit par Fawzi Ali Mohamed aux éditions Dar al-Kutub al-Ilmiya. Et dès le début de ce livre, j'ai de gros doutes. En effet, Shir cite beaucoup de rêves vécus par les salafs en les utilisant comme preuve à son argumentation, que les morts entendent les invocations faites en leur faveur et qu'ils se réjouissent de la présence de ceux qui les visitent. Je vous cite quelques hadiths cités dans le livre. D'après Aïcha, radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tout homme ne visite la tombe de son frère et s'assied auprès. Non, c'est clair, donc je ne cite pas les hadiths. Okay. À ce moment-là, le mort, ensuite, ce passage, non, je vous lis juste le deuxième cheikh. Abu Mama rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous meurt et après avoir couvert la tombe du sable, que l'un de vous se tienne au bord de la tombe et dise, ô un tel, fils d'un tel, car le mort entend, mais il ne peut pas répondre. Puis qu'il dise encore une fois, ou un tel fils d'un tel, à ce moment-là, le mort s'assied ensuite, qu'il poursuive, guide-nous, qu'Allah te fasse miséricorde. Ce passage me paraît vraiment bizarre. Comment peut-on dire à un mort, guide-nous, sauf si ce livre a été mal traduit? De plus, cher, il y a aussi dans ce livre des passages qui racontent comment certaines personnes pieuses, entre parenthèses les noms sont cités, avaient vu en rêve des morts qui leur disaient où trouver des fortunes qu'ils avaient laissées dans leur demeure avant leur mort. Il y a même un récit d'un homme qui invoquait Allah pour rêver les morts. Les gens venaient le voir pour qu'il rêve les morts et sache si ceux-ci avaient laissé des dettes. Afou, le musulman, je t'ai donné le raid. Smah les baraklaouj. Justement, je voulais dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. Smah. Et moi, je t'ai dit que c'était clair. C'est pas la peine, parce que tout ça, je vais dire une chose, yani, ça va. Jazakallah khairan. J'ai compris, yani, khlas. Inch'Allah ta'ala, rouh, tchouf, soual, ouh, d'accord. Baraklaouj, fik. Smah, déjà. Là, me fait mieux qu'il cher. Au contraire, c'est mieux, alhamdoulilah. Question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya cher, wa habbukum fi Allah, les admins ainsi que tous les salafs, ou plutôt les salafis, wallahu alam. Ya cher, hafizakum Allah, toi les admins et vos familles, question, je sais que tous les actes que l'on choisit de faire de notre propre volonté, comme marcher ou s'asseoir, on peut les faire car Allah Azzawajal nous l'a permis 50 000 ans avant la création de l'univers. Mais est-ce que c'est lui, Azzawajal, qui a décidé de ce que l'on allait agir de la sorte? Ah, mais j'ai pas. Inch'Allah, c'est mal formulé. Qu'Allah vous guide vers la voie du groupe préservé, vous ainsi que les admins et tous les participants, Inch'Allah. Question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Hayakum Allah. Un kafir est-il automatiquement un mouchrik? Car il a pris ses passions comme divinité, comme la parole d'Allah dans le Coran. Jazakumullah khayran. Tfadal, cher. Avant cela, on whisper. On whisper, je dis. Je dis ce qu'il y a en whisper. Une seconde, ici, on me dit. Une seconde. Non, on me dit. On vous demande si une personne qui ne sait pas se tenir dans cette position, iftirash tawarruk, et du fait d'un oignon à l'orteil, ne peut pas tenir du fait de la douleur. Est-ce qu'elle est excusée ou pas? Non, j'avais dit tout à l'heure que, sauf une personne excusée. Une personne excusée, non, elle est excusée. Ensuite, j'ai pas dit que c'était obligatoire. J'ai dit que celui qui faisait ça aurait des ajr. Celui qui ne fait pas, il y a des ajr qui sont partis et il ne les a pas pris. C'est de sa faute, c'est tout. J'ai pas dit que c'était obligatoire, surtout pour la personne qui veut et qui ne peut pas. Elle est grosse ou bien elle est enceinte. Elle dit, si elle a l'intention, elle aura, inshallah ta'ala, des récompenses, si elle a l'intention. Ensuite, je voudrais vous dire aussi que ces choses-là, surtout l'iftirash, surtout le fait de poser directement sa fesse sur le sol, elle dit, c'est une chose qui s'apprend. Le premier jour, tu tombes, ensuite, difficile comme ça, tu t'aides avec la main pour ne pas tomber. Ensuite, une semaine, 15 jours, un mois, ensuite, ça devient automatique. Tu t'assois, yani même si tu as 70 ans, tu t'assois comme quelqu'un qui a 15 ans. À force, tu vois, au fil des années, même les os à l'intérieur, les muscles, etc., ils ont pris la forme. Ensuite, on me dit aussi, on whisper, vous êtes trompé dans le verset. Vous avez dit, Samir ou l'alim, mais c'est Samir ou l'basir. Naam, barakallahu fik. Laysa kamithli shay'un, wa huwa Samir ou l'basir, et Laysa Samir l'alim. Jazakallahu khairan. Ensuite, je dis aussi pour celui qui m'a dit qu'il m'aimait en Allah, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aimait en lui. Maintenant, pour la première personne qui a dit, je jure, si elle dit par exemple, je jure que j'ai fait cette chose ou que j'ai pas fait cette chose, je dis, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas un, je ne sais pas si on dit jurement ou la jurage, ou là, c'est comme si elle n'avait pas juré. La personne qui dit, je jure que j'ai vu X, c'est comme si elle n'a pas juré. Maintenant, si elle n'a pas vu, c'est un mensonge, mais elle n'a pas juré. C'est pour cela que, si elle dit par exemple, je jure que demain, je vais aller au supermarché, et elle ne va pas y aller, ce n'est pas la peine de nourrir 10 porcs, parce qu'elle n'a pas dit, je jure sur Allah. Vous avez compris? La deuxième question, la foi, non, pour la reconvertir, alhamdoulilah, et fais des invocations à Allah pour affermir ton cœur et d'avoir sauvé ta peau de l'enfer. Non, vraiment, Allah fait descendre la foi dans le cœur d'un reconverti. Il l'a choisi parmi des millions qui ne sont pas encore rentrés dans cette voie. C'est vraiment, c'est vraiment une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse tous nos cœurs et surtout le cœur et les cœurs des reconvertis. Et maintenant, quand elle met le djilbab, etc., sa mère va lui dire des choses, ses parents vont lui dire des choses, que la foi c'est dans le cœur, etc. Je dis, toute personne qui a décidé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui voudrait son paradis, et voudrait être préservé de l'enfer, il faudrait qu'elle s'attende à des choses pareilles. Le prophète alayhi sallam a dit que la marchandise d'Allah était chère. Ensuite, il a dit, n'est-ce pas que sa marchandise c'est le paradis? Subhanallah l'adhim. Toi maintenant, si tu veux juste une chose de la dunya, tu cours des fois jours et nuits. Tu voyages de pays en pays pour la santé, pour une opération, pour des gens voyagent de pays en pays. Juste pour quelque chose de la dunya. Qu'en est-il pour quelqu'un qui veut le paradis et qui veut ne pas être jeté en enfer? Donc, c'est très normal qu'on lui dise des choses, qu'on crache sur sa figure, qu'on le gifle, qu'on le frappe, qu'on le fasse sortir de la maison, qu'on l'emmène en prison, qu'on lui coupe sa tête, qu'on le pende, qu'on dise sur lui des choses qui ne sont pas vraies, et comme ça. C'est une chose tout à fait normale. Le messager est passé par ce sentier, les sahabas sont passés par ce sentier, tous les pieux sont passés par ce sentier. Et comme a dit Allah Ta'ala, وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَا فَزَتِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait toujours vaincre et donne toujours le dessus à ses serviteurs et non pas à ses ennemis. Ensuite, je peux dire comme ça gentiment, ou là à ma mère, ou là à mes parents, Naam, la foi est dans le cœur. Je leur dis, c'est vrai, je n'ai pas dit que la foi se trouvait dans les intestins, ni que la foi se trouvait dans le foie ou le pancréas. C'est vrai, la foi, c'est dans le cœur. Mais, maman et mon père, justement, cette foi qu'on a dans le cœur, si on ne la fait pas sortir, si on ne va pas l'extérioriser, quelle est donc la preuve qu'il y a cette foi? Non, tout le monde va dire, moi j'ai la foi et on reste à, et ça reste dans le cœur. Pourquoi vous, par exemple, mes parents, et pourquoi les gens, les chrétiens, pourquoi ils aillent chaque dimanche à l'église? Pourquoi? Ils restent à la maison et ils disent, la foi c'est dans le cœur. Allah Ta'ala, Dieu sait que j'allais aller, mais c'est pas la peine, c'est dans le cœur. Et comme ça, on ne fait rien. Là, ni on doit jeûner, même chez les chrétiens, ils jeûnent. Ils jeûnent, je ne sais pas quel jour, ils ne mangent pas la viande là. Non, vous ne devez pas faire ça. Là, tout est dans le cœur. Il faut boire l'alcool, il faut la musique, il faut tout, et dire que la foi est dans le cœur. Non, ça c'est pas vrai, excusez-moi. Là, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider et te donner la victoire. Sur, je dis pas sur, elle n'était pas en assure, tes ennemis en général. Troisièmement, pour le livre Ar-Ruh de Ibn Al-Qayyim, pourquoi j'ai donné le raid à l'admin muslim et il m'excuse encore une fois. Non, c'était juste pour gagner un peu de temps, je voulais dire, si j'avais le micro, je voulais dire à la personne, attends, Inch'Allah ta'ala, je vais te suffire. Le livre Ar-Ruh, la plupart des savants disent que ce n'est pas Ibn Al-Qayyim qui l'a écrit. La plupart des savants disent, ce n'est pas Ibn al-Qayyim qui l'a écrit. Donc, Inch'Allah Ta'ala, maintenant tu es tranquillisé, tu n'as plus les ouswas, ni c'est pas la peine de citer ce qu'il y a à l'intérieur. Et certains petits groupes ont dit, c'est lui qui l'a écrit, Ibn al-Qayyim, mais c'était dans ses débuts. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est le premier livre que Ibn al-Qayyim a écrit. Ça, c'est pour ceux qui ont dit qu'il l'a, c'est lui qui l'a écrit. Ils ont dit son premier livre. Et vous savez, quand quelqu'un va écrire pour la première fois son premier livre, c'est sûr qu'il va, il va le remplir de choses qui sont pas fausses, qui sont fausses à point. Et en plus, dans le Kutub al-Qayyimah, ils mettent une édition de bon qui cherche l'argent. Donc, ils ne prennent pas attention à l'âme. Jazakallahu khairan. Enfin, pour l'autre question, marcher, s'asseoir, il a dit, est-ce que Allah Ta'ala, c'est lui qui a écrit, qu'on s'assoit, qu'on marche, etc. Je n'ai pas bien compris ce qu'il veut dire. Mais je voudrais lui dire et lui résumer très vite qu'il y a des choses qui sont écrites sur nous, qu'on est obligé de faire, et des choses que c'est nous qui choisissons. Non. Des choses, le mal, le bien, adorer, ne pas adorer, ce sont des choses que c'est nous qui choisissons. Et manger, aller aux toilettes, dormir, mourir, tomber malade, hein, avoir la fièvre, ce sont des choses que c'est pas toi qui choisis, qui ont été écrites il y a 50 000 ans avant de créer les sur la terre, même si toi, tout a été écrit. Quant à choisir entre deux choses, adorer, ne pas adorer, aller à la mosquée ou bien aller au bar, faire telle chose ou ne pas la faire, ça, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le libre arbitre, t'a dit choisis. Si tu choisis quelque chose de bien, il t'aide. Si tu choisis quelque chose de mal, qu'il n'aime pas, il laisse alors le shaitan yani, jouer de toi, wal'iyadu billah. Et on passe à la dernière question. La personne doit arrêter de lire Ibn al-Qayyim. Moi, ce livre, je lis depuis peut-être 30 ou 35 ans. Je ne l'ai jamais lu. De temps en temps, j'ai un coup d'œil à l'intérieur. C'était au début. Mais après, j'ai su ce qu'il y avait à l'intérieur. Je ne l'ai jamais. Al-Muhim, est-ce que tout kafir est mouchrik, tout mouchrik est kafir? Non. En règle générale, tout kafir est mouchrik, tout mouchrik est kafir. Comme l'a bien montré aussi Cheikh Al-Albani rahmoullah, se basant sur le verset de Sourate Al-Kahf, où il a dit, je me rappelle bien, il a dit, eh bien, un verset entier de Sourate Al-Kahf où il y a eu le dialogue entre celui qui était rentré dans son jardin et l'autre, il y a eu un dialogue où la personne a dit que yani, elle regrettait d'avoir fait du coffre, ensuite elle a cité, à la place du mot coffre, elle a cité shirk. De là, Cheikh Al-Albani a dit, tout shirk c'est du coffre, tout coffre c'est du shirk. Mais d'autres, et le deuxième avis, il est mieux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout mouchrik est kafir, et pas l'inverse. Tout mouchrik est kafir, et pas tout kafir est mouchrik. Le mouchrik, c'est celui qui fait l'association, l'associationnisme. Et le kafir, tu peux être kafir sans faire de l'associationnisme. Par exemple, tu as insulté Allah, l'ayyadu billah. Tu n'as pas fait de l'associationnisme. Tu as fait du coffre, tu l'as insulté. Tu as jeté le Coran, tu l'as jeté par terre. Où est l'associationnisme? Tu as fait le coffre. Donc ils ont dit, tout kafir est mouchrik et pas, tout mouchrik est kafir et pas tout kafir est mouchrik. والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل المسلم. Non, donc je vous lis les questions suivantes, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Quels sont les arguments contre ceux qui croient en la main de Fatma? Question suivante. Une sœur dit: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, lorsque nous sommes éprouvés, alors qu'on devrait se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas envie de faire des doigts? On fait mal ses salats, etc. Comment y remédier? Barakallahu fikoum. Aussi, je vous demanderai à vous et à tous mes frères et sœurs de penser à moi dans leur salat, qu'Allah vous récompense. Question suivante. Salam alaikum, cher. Que répondre aux gens, entre parenthèses les adorateurs de tombes, lorsqu'ils invoquent les saints et qu'ils obtiennent plus tard l'objet de leurs invocations? Nous savons très bien que c'est Allah, Azzawajal, qui donne le risque. Mais comment leur répondre et mettre fin à cette ambiguïté, barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum, cher. J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Depuis que j'ai accouché, je ne reconnais plus mes menstrues. Donc, des fois, ce ne sont pas mes menstrues. Donc, je reprends ma salat. Est-ce que je dois rattraper la salat manquante? Jazakumullahu khairan. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde le Firdaus. J'entends beaucoup d'imams salafis dire Ikhwan Muflisoun ou d'autres appellations. Certains frères du Minhaj trouvent cela choquant. Quel conseil peut-on leur donner? A-t-on le droit nous-mêmes d'employer ce terme ou d'autres sobriquets? Cela est-il seulement réservé aux savants et aux prêcheurs? Tfadal, cher. Donc, Afoun Muslim, ma Afoun, c'est quoi la cinquième question? Je ne l'ai pas notée. Aoud, dis-tu la cinquième barque là où fait? Donc, je vous dis ça, Inch'Allah. La cinquième, c'était sur les Ikhwan. les appellations. Certains qui utilisent les expressions comme Ikhwan Muflisun. Tfadal Cheikh. Pour la première question, le questionneur a dit pour les mains de la Hamza, quels sont les arguments? Elle a compris de vos paroles que tout n'est pas écrit et demande si elle a bien. Non, cette personne n'a pas bien entendu. J'ai dit même, voilà la phrase que j'ai dit. J'ai dit même si tout a été écrit, comme ça j'ai dit. J'ai dit même si tout a été écrit. Mais des choses, yani, des choses sont écrites, yani. On dit en arabe, mktoub, mktoub, c'est-à-dire c'est écrit que tu fasses cette chose. Non. Et des choses, d'autres choses, c'est toi qui les fais de toi-même. Voilà ce que je voulais dire. Mais tout a été écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et parmi ce qui a été écrit, ça fait 50 000 ans qu'il allait tout arriver. Tout ce qui allait arriver et arriver dans ce monde était écrit. Mais il y a des choses qui, Allah Ta'ala, te donne la liberté de les faire ou de ne pas les faire. Comme tu as deux routes. Celle-là, elle mène vers la mosquée, celle-là, elle mène vers le bar. Allah Ta'ala t'a donné la liberté. Tu vas aller vers celle-là ou vers celle-là. Il y a des choses qui, quoi, elles sont, yani, je sais pas comment dire en français, yani, elles se font même si on ne veut pas. C'est comme tomber malade, comme manger, aller aux toilettes, mourir et comme ça. Non. Ça y est. Pour la première question qui avait demandé des arguments pour la main de Fatma, ce qu'on appelle Khamsa. Quel argument veut la personne? Les arguments qui sont interdits ou les arguments que ça se fait? J'ai pas compris, Mouslim. Est-ce qu'elle veut les arguments que ça se fait pas ou là que ça se fait? Non, cher, si je me rappelle la question, c'était contre. Je reprends la question, Inch'Allah. Ah, c'est contre ceux qui croient en la main de Fatma. Tfadal, cher. On va leur dire tout simplement, vous avez inventé une chose, là, qu'il n'y a ni dans le Coran ni dans la Sunna. Vous faites du shirk. Vous attestez dans votre cœur, vous avez comme aqida dans votre cœur que cette main, là, évite par exemple le mauvais œil ou bien évite le mal. Comme certaines personnes, dans leur voiture par exemple, ils. Comment on dit en français Yallaq, Yallaq. Yallaq. Dites-moi comment on dit en français Yallaq. Il accroche, barakallahu fik, il accroche. Certaines personnes, ils accrochent par exemple le fer à cheval. Non, il te dit ça, c'est par exemple pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et d'autres, la main de Fatma. Et d'autres, le chapelet, Sibha. Et comme ça attire la baraka. Non. Donc, ce sont des choses que vous avez inventées, qu'il n'y a ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Si vous, maintenant, si vous dites que la main de Fatma, par exemple, existe, et que elle enlève le mauvais œil, c'est vous qui devez nous donner un verset ou bien un hadith authentique. Alors, tant que vous n'avez pas ni de verset, ni de hadith authentique, et que vous dites que la main de Fatma éloigne le mal ou bien éloigne le mauvais œil, vous avez fait du shirk. Car seul Allah Ta'ala éloigne le mal. Seul lui. Naam. Et vous dites non. C'est aussi la main de Fatma. Seul Allah Ta'ala éloigne le mal ou bien les causes qu'il a données, comme la maladie, le fait de se soigner éloigne le mal, le fait de lire le mu'awidat, ça éloigne le mauvais œil. Mais vous, non, vous avez inventé autre chose, donc vous avez fait du shirk. Pour la deuxième question qui dit que pour la personne qui est éprouvée, elle fait mal la salat, etc. Elle dit que, alors que normalement une personne éprouvée sent qu'elle est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Premièrement, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il aide notre frère, celui-là, ou bien notre soeur, et qu'il lui fasse une issue, une solution. Deuxièmement, je dis à cette personne, sache que il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari. Il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari qui dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à une personne, il l'éprouve. lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à une personne, il l'éprouve. Peut-être la personne qui a un peu la foi, peut-être faible, elle va dire, comment ça, yani, il me veut du bien. Moi, je ne trouve dans cette épreuve que du mal. On va te dire, la moindre chose qui est bien, c'est que le jour où tu le rencontreras, quand tu verras les récompenses qu'il t'aura données, tu diras, Ya Allah, si c'est possible, je veux revivre une autre fois et pour que vous m'éprouviez 10 ou 100 fois plus que l'épreuve que vous m'avez donnée. Quand tu vas voir les récompenses qu'il va te donner spécialement à toi et pas aux autres. Ensuite, je dis à mon frère ou bien à ma soeur que c'est normal que quand on est éprouvé, yani, on n'a pas le khushu, etc. On est embrouillé, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est normal. À cause de, yani, l'épreuve, surtout si elle est difficile. Mais accroche-toi, hein, crains Allah subhanahu wa ta'ala, patiente, et tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala va transformer cette épreuve en grande joie et va te donner une issue, comme il a dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah, il va lui faire une issue et yani, le remplir, inshallah ta'ala, de bien, d'une façon qui ne s'attendait pas du tout. Pour la troisième personne qui a dit que pourquoi par exemple les gens vont par exemple devant une tombe etc. où là ils demandent assistance à par exemple des saints ou là, des pieux etc. et ils se voient là, ils se voient exaucés, ils se voient exaucés. Donc ils ont dit comment ça se passe, comment d'un côté yani, ils sont dans le faux. Et comment dans l'autre, comment de l'autre côté, ils sont exaucés et que yani, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ce qu'ils ont demandé. On dit, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ce qu'il a comme stratagème avec ses ennemis, avec les pécheurs et les associateurs, c'est quoi? C'est que des fois il leur fait croire justement qu'ils sont dans le vrai chemin pour les tromper encore plus. Et pour les noyer dans leur péché ou l'iyadu billah. C'est pour ça que si Allah subhanahu wa ta'ala donne à quelqu'un qui vient de se tromper et de faire une faute, s'il le châtie sur le coup, il dit alhamdoulillah. Mais ce qui est grave, c'est s'il fait une faute, il ne le châtie pas, et pire encore, il lui fait croire qu'il est dans le vrai chemin et qu'il n'a pas fait de faute. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, en parlant de certains gens, il a dit, c'est nestedrijum min haytou la ya'lamoun. C'est grave. C'est nestedrijum min haytou la ya'lamoun. Nous allons les conduire graduellement, graduellement, comme on descend quelqu'un des escaliers, marche après marche. Nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Allahu Akbar. Verset 182, Sourate Al-A'raf. Verset 182. Nous allons les mener graduellement vers leur perte, hein, par des voies qu'ils ignorent. Donc, voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Et j'espère, inshallah ta'ala, qu'elle est claire. Et au contraire, si jamais une personne fait une faute, qu'Allah ta'ala la châtie sur place, elle dit, alhamdoulilah, comme le compagnon que je vous ai raconté plusieurs fois, Ma'ali, je rappelle, hadith sahih, authentifié par le Cheikh Al-Albani, qu'un sahabé a rencontré une femme qu'il connaissait autrefois, il ne savait pas qu'elle était rentrée en islam, qu'elle est devenue mashallah, il croyait toujours qu'elle était une femme de joie. Il l'a rencontrée, il a commencé à s'amuser, à poser sa main sur ses épaules ou je ne sais pas où. Elle lui a dit arrête. Je suis maintenant, c'est l'islam. La djihadia est partie. Non, il s'est étonné. Donc il a rebroussé chemin, il a commencé à marcher tout en se retournant vers elle. Et il s'est cogné contre le mur. Il a vraiment eu mal, il a cogné sa tête vraiment fort contre un mur. Il est parti directement au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté l'histoire. Allez, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, toi, tu es un homme auquel Allah veut du bien. C'est-à-dire, en te donnant ta punition immédiatement. Il a dit, car si quelqu'un veut du mal à une personne, il la laisse dans ses péchés jusqu'à ce qu'elle le rencontre avec ses péchés. Donc vous voyez, des fois quand il nous arrive un malheur, on se cogne, on tombe, on ceci, on dit Alhamdoulilah, j'ai fait un péché, Allah Ta'ala m'a payé. Allez, Alhamdoulilah. C'est mieux que il va t'amasser tes péchés, tu vas rencontrer Allah demain avec des montagnes. Allahu Akbar, d'où est venu tout ça? Naam. Ça, ce sont tes péchés, je les ai pas yani, enlevés en te donnant des malheurs. Donc, elle dit pour cette question. Pour la personne qui a dit que quand elle est tombée enceinte, naam, elle ne reconnaissait plus ses menstrues. Et que maintenant, elle ne sait plus quand est-ce qu'elle prie ou elle ne prie pas. C'est, je crois, ce qu'elle a dû dire, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Muslim, est-ce que tu peux me dire seulement, est-ce qu'elle a dit quand elle était enceinte, ou là, après être tombée, yani, quand elle est enceinte, ou là, après avoir accouché, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, Barakallahu, j'ai pas bien suivi, fadal. Naam, cher, après avoir accouché. Tfadal, cher. D'accord. Donc une personne, inchallah ta'ala, après avoir accouché, elle ne doit pas dépasser 60, 40 jours à point. Et doit se laver et commencer à faire la prière, malgré que d'autres savants, comme Cheikh Ibn Taymiyyah, ou c'est Ibn Taymiyyah, si vous voulez prendre du deuxième avis, là, moi je prends du premier, qui disent que c'est possible jusqu'à 60 jours. Sinon, Cheikh Al-Albani a cité le hadith d'Om Salama, si je ne me trompe pas, qui a dit que, au temps du prophète sallam, la femme, yani, qui était dans les logis, ne dépassait pas 40 jours. Après le 40e jour, comme je dis, elle se lave, etc. et elle commence à prier bidnat Allah, même si elle a le sang. Même si elle a le sang, ça devient hémorragique. Ensuite, puisque maintenant elle est déréglée, qu'est-ce qu'elle va faire? Non. Elle va compter. On va voir d'abord, est-ce qu'elle peut faire la différence dans le sang? Non. Est-ce qu'elle peut faire la différence dans le sang? De sorte que elle sait que en voyant, est-ce que ce sang, c'est celui des menstrues, ou bien par exemple, c'est le sang. Yani, le sont des veines, comme on dit. Non. Si elle peut, c'est mashallah. Donc elle reconnaît le sang. Quand c'est le sang des menstrues, elle arrête. Quand c'est l'autre sang, c'est celui des métrorragies. Maintenant, si elle ne peut pas reconnaître ou qu'elle est débutante, je ne parle pas de celle qui a posé la question, mais d'une autre, si elle est débutante dans les règles, dans ce cas, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir, yani, surtout pour celle qui n'est pas débutante, elle va voir c'est combien. Son habitude. Combien son habitude? Si c'était 6 jours, c'était 6 jours, par exemple, chaque début du mois. Donc, chaque début du mois, elle va attendre 6 jours. Elle va, yani, pendant les 6 premiers jours, par exemple, du premier mois, elle va quoi? Elle va dire, yani, se mettre dans sa tête comme si elle était dans les règles. Ensuite, le 7e jour, elle se lève et prie normalement, même si elle a quoi? Même si elle a le sang, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et certains savants, même la plupart, disent que maintenant, si elle ne peut, elle n'a ni l'habitude, ni elle peut yani, différencier entre les sangs, dans la même qui on dit, elle voit l'une de ses proches. Elle voit sa soeur, sa mère, sa tante, celles qui sont vraiment proches d'elle, et elle les imite dans leur jour des menstrues. Enfin, pour la personne qui a dit que certains gens, en parlant des Ikhwan Muslimoun, ils disent Ikhwan Muflisoun. Je dis, cette phrase, Ikhwan Muflisoun, ça veut dire les perdants, les frères des perdants. Au lieu de dire Muslimoun, ils disent Muflisoun. Cette phrase, même les grands savants l'emploient, subhanallah l'adhim. Je l'ai lu, même chez des grands savants. J'ai oublié maintenant si c'est Cheikh Rabih Hafidhahullah ou bien Cheikh Fawzan ou bien qui dit Ikhwan Muflisoun. Subhanallah al-Azim. C'est surtout Cheikh Rabih Hafidhahullah. Al-Muhim. Donc si quelqu'un utilise cette phrase, il n'a fait que imiter les savants. Il n'a pas tiré ça de sa tête. C'est des wahda. Deuxièmement, c'est vrai car ils sont Muflisoun. Ils passent leur vie à aller au camping, à dire des anachides, à prendre des anachides et à courir à droite et à gauche. Il n'y a ni aqida ni rien. Ni aqida ni rien et ils passent leur temps à courir aussi faire la politique et la députation et être ministre et faire le vote et je ne sais pas quoi. Un moyen, perdre leur temps dans le vide. Reste que, si je suis avec quelqu'un des Ikhwan Muslimin, qui est quelqu'un mon voisin ou là, qui travaille avec moi ou là, je ne vais pas lui dire Ikhwan Muflisoun. Pourquoi? Dans le but d'abord d'essayer de lui faire la da'wa. Non, d'essayer de lui faire la da'wa. Et pour faire la da'wa à quelqu'un, je ne vais pas le blesser. mais je vais essayer d'épancher son cœur en lui disant de bonnes choses, etc. Peut-être que Yani sera convaincu, inshallah ta'ala, par ce que je dis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Il est 23h15 presque. On va arrêter ici, inshallah ta'ala. On va se donner rendez-vous pour samedi, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et enfin, Mouslim, je te donne le micro. Est-ce que tu as une dernière chose à dire? Inch'Allah, tafadhal. Là, cher, je n'ai rien à dire, barakallahu fikoum. Par contre, samedi, inshallah, est-ce que l'on débutera à 22h30 ou là plus tard? 21h30, enfin, est-ce que ce sera 21h30 ou là plus tard, inshallah? Barakallahu fikoum, cher. Normalement à 21h30, normalement c'est comme ça. Mais des fois, yani, j'arrive tout juste yani, à 21h30 chez vous, c'est-à-dire 20h30 chez nous. Des fois, j'arrive tout juste. C'est pour ça que, non, donc on va dire que le cours aura lieu entre 21h30 et 45. 21h30 et 21h45. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. On me dit, le cheikh n'a pas répondu. Pour savoir si je dois rattraper ou quand je me suis trompé dans mes monstres. On doit, je me demande si je dois rattraper quand je me suis trompé dans mes monstres. La personne n'a pas dit comment exactement elle s'est trompée. La personne n'a pas dit exactement comment elle s'est trompée. Mais je lui dis, pour ne pas attendre encore qu'elle réponde, je lui dis tout simplement que si ce sont seulement quelques jours, si ce sont seulement quelques jours, Nam, ce serait mieux de les rattraper pour sortir de toute divergence et avoir le cœur apaisé. Ensuite, ce n'est pas obligé, par exemple, de les rattraper, allez, tous à la fois, par exemple, maintenant. Ça, ce sont des dettes. Tu peux rattraper aujourd'hui, par exemple, un jour, demain, un jour, et comme ça. Nam, pour ne pas, yani, alourdir, yani, ton cœur, inshallah ta'ala.